ferme ta gueule. Comment tu peux prétendre que tout ce que tu racontes, ça intéresse quelqu'un? Il y a une heure, je suis en face de toi. Tu ne m'as posé aucune question. Je t'intéresse donc pas à ce point. Ferme ta gueule. J'aimerais entendre le silence. J'imagine qu'il te terrifie. Il y a aussi le ressac et l'écume qui se brise. Ta voix m'ennuie. Écorché par espoir.